mais souvenir. Pourquoi nous sommes nous quittés? Mais meu amor, sinto tanta falta de ti. Porque você me abandonou? Pourquoi tu m'as délaissé? Pourquoi tantas ilusões? Pourquoi tu n'es pas resté? Pourquoi j'aimerais tellement qu'on me vive. Thank you.